1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Seriez-vous capable de dire, comme Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » Pourtant, cette invitation de Paul en 1 Corinthiens 11, verset 1, est l'essence même du leadership chrétien, c'est-à-dire de la fonction de faire et de conduire des disciples de Jésus-Christ. Notons que Paul invite les chrétiens de la ville de Corinthe par deux fois et ceux de la ville de Philippe à être ses imitateurs. Pour ce qui concerne les chrétiens de la ville de Thessalonique, il constate avec joie que ceux-ci ont été ses imitateurs et les imitateurs du Seigneur. Les paroles de Paul sonnent comme un défi que chaque leader chrétien doit pouvoir relever. C'est vrai qu'elles peuvent paraître audacieuses et même intimidantes, mais si nous examinons de près le contexte de ces déclarations, nous pourrons mettre en évidence trois aspects de l'approche de Paul et imiter son leadership. Premier aspect, enseignement. Paul est attaché à l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et transforme. Deuxième aspect, exemple. Paul est un modèle de persévérance dans l'expérience et l'expression du salut. Troisième aspect, envoyé. Comme il a été préparé et envoyé, Paul prépare et envoie d'autres disciples pour les intérêts de Christ. Nous allons voir ces trois aspects l'un après l'autre. Vous écoutez, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Leadership. Faire des disciples, faiseurs de disciples de Jésus-Christ. Le séminaire Leadership encourage les disciples de Jésus-Christ à être des leaders qui inspirent et préparent d'autres personnes à devenir des disciples, faiseurs de disciples de Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Premier aspect du leadership de Paul, enseignement. Dans le premier passage où Paul exhorte les Corinthiens à être ses imitateurs, c'est-à-dire en 1 Corinthiens 4, le verset 16, il relève au verset 17 deux éléments clés. Premièrement, ses voies, c'est-à-dire sa conduite, conforme au deuxième élément qui est son enseignement tel qu'il le donne dans toutes les églises. Et quel est l'enseignement de Paul ? L'enseignement de Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ comme il le rappelle aux Corinthiens. Car, écrit-il au verset 15, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Or, pour Paul, qu'est-ce que l'évangile ? Il répond à cette question au chapitre 1 de Romains, verset 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.

à la résurrection d'entre les morts. Comme pour le contexte de 1 Corinthiens 11, verset 1, on voit ici que le modèle est intimement lié à l'expérience et à l'expression du salut accompli et offert par Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Paul indique qu'en l'imitant, lui, les Thessaloniciens sont, je cite, « devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe ». Verset 7. Ici encore, le modèle est étroitement lié à l'expérience et à l'expression du salut. En effet, Paul écrit au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Et il dit ensuite au verset 8, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Ce que Paul dit, en d'autres termes, c'est que leur foi est parlante et qu'il n'est pas nécessaire d'en parler. Alors, question, quelle expérience et quelle expression du salut montrez-vous en exemple? Troisième aspect du leadership de Paul. Aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, Paul dit avoir envoyé Timothée. Dans la lettre aux Philippiens, il demande à son fidèle collègue d'aider Évodie et Saint-Tiche, je cite, « à être d'un même sentiment dans le Seigneur ». Philippiens 4, versets 2 à 3. La délégation de responsabilité à des personnes préparées à les assumer proprement est un point sur lequel Paul imite Christ. Contrairement aux fidèles collègues dont on ne sait pas grand-chose, les relations de Paul et Timothée sont abondamment abordées dans les lettres de Paul. En 1 Corinthiens 4, quand Paul prie les Corinthiens d'être ses imitateurs, il leur indique qu'il a confié à Timothée la mission de les y aider. Il écrit en effet, je cite, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Verset 17. Il dit aussi aux Philippiens, je cite, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Et enfin, à Timothée lui-même, Paul écrit, je cite, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2, les versets 1 à 2. Comme Christ son Seigneur, Paul a reproduit des leaders capables de veiller aux intérêts de Dieu et d'étendre le royaume de Dieu à la chaîne. Timothée est l'un des plus beaux exemples de ce travail. Question, et vous, préparez-vous des personnes que vous pouvez envoyer défendre les intérêts de Christ et étendre son royaume à la chaîne? En résumé, retenons donc que, premièrement, imiter Christ et amener d'autres à nous imiter en cela est l'essence du leadership chrétien. Deuxièmement, nous devons imiter Paul dans son attachement à l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons imiter Paul dans son exemple de passion pour son salut et le salut des autres. Et quatrièmement, nous devons imiter Paul en préparant des leaders qui aiment Christ et qui sont capables de défendre ses intérêts et d'étendre son royaume à la chaîne.